Psaume 115. Non point à nous, ô Éternel, non point à nous, mais à ton nom donne gloire, pour l'amour de ta miséricorde, pour l'amour de ta vérité. Pourquoi diraient les nations, où est maintenant leur Dieu? Certes notre Dieu est aux cieux, il fait tout ce qui lui plaît. Leurs dieux sont des dieux d'or et d'argent, un ouvrage des mains d'hommes. Ils ont une bouche, et ne parlent point, ils ont des yeux, et ne voient point. Ils ont des oreilles, et n'entendent point, ils ont un nez, et ils n'en flairent point. Des mains, et ils n'en touchent point, des pieds, et ils n'en marchent point, et ils ne rendent aucun son de leur gosier. Que ceux qui les font, et tous ceux qui s'y confient, leur soient faits semblables. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est l'aide et le bouclier de ceux qui se confient en lui. Maison d'Aaron, confiez-vous en l'Éternel, il est leur aide et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur aide et leur bouclier. L'Éternel s'est souvenu de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, tant les petits que les grands. L'Éternel ajoutera bénédiction sur vous et sur vos enfants. Vous êtes bénis de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Quant aux cieux, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. Les morts, et tous ceux qui descendent où l'on ne dit plus mot, ne loueront point l'Éternel. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louez l'Éternel.